Activité 26. L'exercice 2 est un échange d'informations. Vous me posez des questions pour me connaître. Utilisez les mots pour poser vos questions. Quelle est votre nationalité? Je suis française. Et vous? Moi, je suis syrien. Combien de langues est-ce que vous parlez? Je parle français, anglais et un peu italien. Oh, d'accord. Moi aussi, je parle anglais. Un peu français, mais pas italien. Je parle espagnol. À quelle heure vous vous levez? Je me lève à 6h30 tous les jours. C'est tôt! Oui, c'est vrai. Je travaille tôt. Est-ce que vous avez un appartement ou une maison? J'ai une maison. Moi, j'habite dans un appartement. Et comment est-ce que vous venez à l'école? Je viens en métro. C'est rapide. Ah, moi aussi. Merci. L'exercice 2 est terminé. Nous passons maintenant à l'exercice 3.